Mais donc, c'est vous qui le dites de la même manière. C'est vous qui le dites. À demain pour notre heure de dialogue. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Très mauvaise plaisanterie. Un adolescent a jeté un sac sur les quais du tram ce matin dans la station Horta à Saint-Gilles en région bruxelloise et il s'est enfui, provoquant un mouvement de panique. Les usagers sont sortis en courant et criant. La station de Prémétro a été fermée, le trafic arrêté. Le propriétaire du sac a été identifié, mais on ne sait pas encore si c'est vraiment lui qui a balancé ce sac sur les voies. Mais il s'agissait bien d'une plaisanterie. Salah Abdeslam entendu par les juges antiterroristes de Paris. Il est arrivé au palais de justice tôt ce matin et sous surveillance maximale. Salah Abdeslam refuse de coopérer en juillet encore. Il a refusé d'être extrait de sa cellule pour être interrogé parce que, explique son avocat, il se sent épié dans sa cellule. Deux caméras le filment en permanence. Je plaide pour un combat sans merci. Le président du MR, Olivier Chastel, veut étudier toutes les voies de droit pour ne pas permettre à la société américaine de vendre le terrain au prix fort, pour ne pas simplifier leur vie, ajoute le Carolo. Et l'une des pistes, ce serait une forme de réquisition du terrain occupé par Caterpillar à Gosselies, un site d'une superficie de 98 hectares. Il est situé à proximité de l'aéroport et du zoning. Un été de tous les records pour Blablacar, la plateforme de covoiturage a servi à 100 000 utilisateurs. Destination privilégiée la côte belge pour un trajet moins cher. Les offres ont connu un réel boom, plus 210% par exemple vers Knokke, plus 110% vers La Panne. Ce principe du covoiturage séduit aussi de plus en plus de festivaliers. La météo, rien à redire, que du soleil et jusqu'à 28 degrés. Demain, un tout petit peu moins chaud, 20 à 23 degrés. Et ce week-end, 26-27 samedi, un tout petit peu moins chaud à nouveau pour dimanche. Anne-Michel Vlouberg, on ralentit dans les travaux près de Charleroi. Près de Liège, dans ce chantier de Cherat sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Bruxelles. En direction d'Aix-la-Chapelle uniquement, entre Vautem et Cherat sur 6 km, vous pouvez compter près de 25 minutes de temps supplémentaire. Encore quelques fils pour rejoindre Bruxelles sur le 400 venant de Namur à partir de Jésus-Eck. Et puis du côté du Ring de Bruxelles, vous pouvez encore ajouter une quinzaine de minutes supplémentaires en circulation intérieure Grand Bigard Zaventem pour le temps de parcours le plus long. Et puis quelques ralentissements à Bruxelles dans le tunnel Léopold II en direction du Midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. On va retrouver toute l'équipe d'On n'est pas des pigeons. On fait comme ça, merci Delphine. Retour de l'info à midi. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvaux. Bonjour les amis. Bonjour. Vous êtes content de passer 2 heures dans un studio alors qu'il fait beau dehors? Hyper content. Ah oui, mais avec vous c'est un plaisir. Mais c'est réciproque, oui. C'est réciproque, surtout qu'on va aider des gens aujourd'hui. Nous allons faire notre rôle de service public une fois de plus, en appelant Monique. Monique qui a acheté une salle à manger, mais elle a une boule. La salle à manger, hein. Pas Monique. Quoique peut-être, on n'en sait rien, on pose la question. C'est bizarre, une boule dure qui est devenue molle parce qu'elle l'a un petit peu effleurée, c'est quand même curieux. Quoi, la salle à manger? Enfin, non, c'est une hernie de salle à manger. Le meuble, la table, le compte, le buffet. Je n'ai rien compris. Donc, d'où l'intérêt d'appeler Monique dans 20 minutes. Dans le journal Lola Conso, les amateurs de belles technologies vont être ravis. On parle du nouvel iPhone. Bah oui, le 7. Alors, est-ce que c'est révolutionnaire? Bah, je peux déjà vous le dire, pas vraiment. Est-ce que ça coûte cher? Je peux vous le dire, oui. Ça va jusque 1129 € le 7 Plus. D'accord. Ouais. Et justement, on vous demande... pose une question sur la page Facebook. Est-ce que vous êtes adepte de... Est-ce que vous mettriez 1129 € pour ça? Oui, et si vous ne voulez pas, qu'est-ce que vous allez faire avec ces 1129 €? Ah oui, ça. Il y a déjà plein de bonnes idées. Ça c'est sûr. Jacques, on parle de plaque d'immatriculation avec vous aujourd'hui. Oui, parce qu'avant, justement, avec 1000 €, on pouvait s'acheter une plaque d'immatriculation personnalisée. Oui. Et ben, depuis décembre 2015, ce n'est plus le cas. On fera le point sur cette hausse de prix et donc la baisse des commandes de ces plaques personnalisées. Et puis, on parlera d'un appareil qui permet de déterminer si la nourriture est avariée ou comestible. Ça s'appelle le Food Sniffer. Anne-Laure viendra nous expliquer de quoi il s'agit. Et là, on train de le tester là, donc c'est un truc, tu mets, c'est un appareil qui renifle la viande. Oui. On invente de ces trucs aujourd'hui, oui. C'est un petit peu particulier. Communiquez avec nous sur la page Facebook, mais via SMS aussi, pourquoi pas. Oui, au 3063, ça coûte 50 centimes le message. Vous pouvez aussi envoyer un mail, c'est pigeon@rtbf.be ou laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Côté musique, il y aura Justin Timberlake aussi. Avec le tube de l'été, un des tubes de l'été. Et puis côté nouveauté, il y aura ça. Strumbelas. Je ne sais pas si on prononce comme ça, mais moi je lis ce qui est écrit. Strumbelas, c'est dans le programme musical de Vivacité. Si on n'est pas des pigeons, jusqu'à 13h. Bienvenue tout le monde. Avec Lonely Town. Votre courrier est arrivé. Oh, nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, avec Saskia, on parlait d'une silent party, une soirée silencieuse, puisque les danseurs écoutent de la musique via un casque. Ça se passera aujourd'hui à Hâte. Ça vous a séduit visiblement cette idée. Mais oui, Marie nous écrit pas mal ça, sympa pour le voisinage et sympa pour ses propres oreilles si on peut régler le son. Je déteste aller en boîte à cause du volume toujours à fond, même pas moyen de se parler. Pour Virginie, c'est sympa pour les voisins, par contre, ça met un frein aux échanges. Caroline, elle, pense que le silence dans la salle permet justement au moins de se parler quand on enlève le casque. Et puis Aurélie nous explique qu'elle a testé ça dans le sud de la France et qu'elle trouve ça sympa. Oui, et hier on nous disait que c'était une première en Belgique, il se la pète un un peu en disant ça, parce que ça existe déjà. Il y a des sociétés belges qui sont sur le marché. Ils disent première en plein air. En plein air. Ils jouent un peu sur le moment. Mais si vous voulez organiser ça, il y a des sociétés chez nous qui organisent. Et c'est vrai qu'on peut se parler quand on est au bar. C'est une belle idée. Vous êtes nombreux à avoir continué la conversation sur l'affaire de l'AFSCA qui pourrait mener des contrôles dans les groupements d'achat. Oui, Pascal nous écrit, bientôt l'AFSCA interdira aux mères de donner le sein à leur bébé sous prétexte que c'est du lait cru non pasteurisé. Eh bien oui, Sophie, un jour ils vont y arriver. Bah Sophie continue aussi, bientôt ils viendront contrôler les méthodes de transport sur les 20 mètres qui séparent ma serre et mon frigo. On ne sait jamais que je refile mon rhume à mes concombres. Et puis Michael, je trouve que l'AFSCA devrait plutôt se préoccuper des pesticides qui sont pulvérisés sur nos fruits et légumes et qui causent de vraies maladies mortelles plutôt que de contrôler les quelques consommateurs et agriculteurs. C'est ridicule. On a un bon plan aussi sur le site internet, ça concerne les limaces. Oui, c'est Claude qui nous le donne. Hier, j'ai laissé un petit centimètre d'essence dans un pot ouvert. J'ai bien dit ouvert. Et ce matin, il y avait 4 limaces qui avaient été attirées par l'odeur. Et mortes les limaces. Ah ah ah, bien fait. Oh non, c'est sadique, c'est pas bien, on ne peut pas. On peut... Non, oui, bon, en même temps, c'est vrai que c'est... Personne n'a obligé ces limaces à aller mourir dans l'essence. Non. Ah voilà. C'est le libre arbitre des limaces. Ça aussi. Et puis les affaires reprennent sur le répondeur. Il y a une auditrice qui nous met en garde. Oui, bonjour, je m'appelle Marie-Bonne, j'habite l'entité de la Louvière. Je tenais simplement à signaler que les grands vins de Bordeaux sont de retour pour harceler les gens au téléphone. On a beau essayer de s'inscrire sur la liste Robinson ou autre chose, les appels intempestifs continuent. Bonne journée, à bientôt. Les grands vins de Bordeaux. On en a déjà parlé plusieurs fois avec vous. On en parle régulièrement. L'idéal pour celui ou celle qui recevrait un coup de téléphone, essayez de prélever le numéro qui vous appelle. Dans certains cas, c'est quand même possible parce que nous, on se fera un plaisir de les rappeler. Évidemment. On s'en souvient, on l'avait déjà fait une fois à radio. À plusieurs reprises, on tombait toujours sur la même personne, une douce voix féminine, plutôt une voix d'aéroport, qui nous expliquait toujours la même chose, mais qui nous disait que c'était jamais elle. C'était jamais elle. Voilà. Et alors, si on est confronté à ce genre de choses, on ne signe rien. On dit qu'on ne veut rien. On dit même pas des échantillons gratuits. Ou alors vous faites comme moi. Une fois, j'ai eu un genre d'appel. J'ai tenu le mec 20 minutes en ligne pour lui dire « Mais je n'y connais rien en vin, ça ne m'intéresse pas. » Ça a vite coupé la conversation. Et il était un petit peu embêté de se dire « Merde, tu viens de passer 20 minutes avec un mec au téléphone. » Voilà, ne vous laissez pas faire. Et si vous avez des trucs comme ça à nous dire, n'hésitez pas, le répondeur, on le rappelle. Hein. Oui, 070 222 660. Et vous laissez bien vos coordonnées. Et puis aussi, vous expliquez de quoi il s'agit brièvement. Merci. Justin Timberlake après la pause. Et puis, nous allons savoir ce que ça veut dire, avoir une boule à la salle à manger. Avec la boule de Monique. La boule de Monique, c'est dans 5 minutes. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Non, mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Suivre un cours du soir à la Netherlands Academy et pas dans une autre école de langue, qu'est-ce que cela apporte de plus? Yann, professeur. De Netherlands Academy. La Netherlands Academy propose un programme 7 jours sur 7. Eén avond per week les. Une soirée par semaine en cours. De mogelijkheid om gratis onze conversatie. Ensuite, l'élève peut fréquenter gratuitement le club de conversation les autres jours de la semaine. Dat is ongezien. C'est du jamais vu. Netherlands Academy. La porte qui ouvre les portes. Programme du soir 7 jours sur 7 sur 4 mois. Info sur nedaka.be. Le garage Le Sage de Watermal Boisfort est heureux de vous annoncer l'arrivée de la nouvelle Baleno, la citadine de chez Suzuki, qui vous fera voir du pays grâce à son nouveau moteur turbo de 1000 cm3. La nouvelle Baleno, à découvrir au garage Le Sage lors des journées portes ouvertes le week-end des 9, 10 et 11 septembre. Garage Suzuki Le Sage, chaussée de la Hulpe 225 à Watermal Boisfort.

Comment? C'est oui, la grande armoire. Oui, et alors, mais c'est quoi une elle est comment la bosse? Elle est où? Elle est quoi? Expliquez-nous, décrivez. Elle est vraiment dans le bas. Ouais. Du meuble, vraiment dans le bas. Mais c'est une grosse bosse? C'était une très grosse bosse au départ, mais très dure. Ouais. Donc je me dis, c'est le bois qui travaille. Ouais. Donc je n'ai pas bougé, ouais. Je n'ai rien fait. Ouais. Et puis au bout d'un certain temps, voyant, parce que directement de ma cuisine, j'avais toujours les yeux sur ce meuble, ouais. Je me dis, c'est pas normal, ça paraît toujours. Donc j'ai appuyé sur cette bosse, ouais. Et elle était toute molle. Ah, de tout dur, la bosse est devenue toute molle. Oui, toute molle. Ouais. Donc, j'ai eu une fissure dans le meuble, ouais. Dans le bas du meuble. Ouais. Donc là, je me dis, bon, après ce que ça m'a coûté, je peux pas rester comme ça, quoi. Ouais. Donc, je suis allée au magasin, ouais. J'avais pris des photos. Mmh. Et le magasin m'a dit, vous devez envoyer un mail... Allô. J'ai cru que vous aviez perdu. Non. Vous devez envoyer un mail. Donc, ouais, comme je n'ai pas d'ordinateur, je me suis adressée à mon frère. Ouais. J'ai transféré mes photos sur son GSM. Ouais. Et on a fait le mail à la société, comme ils m'ont dit. Quoi, hein. Et donc, ils ont répondu? Non. Ah. J'ai envoyé ça le 5 du 4 du 16. Le 5 du 4 du 16. Je le note. Oui. Le deux numéro mois complémentaire. Après, oui. Mm-hmm. 2 mois après, je me suis présentée avec une amie au magasin, oui. Pour voir si j'avais bien reçu le mail. Oui. J'ai eu affaire à un vendeur, il m'a dit « je vais voir auprès du responsable ». Donc, il est revenu près de moi, il m'a dit « c'est en cours ». D'accord, mais rien de plus. Et depuis, votre bosse, elle est redevenue dure? Non, c'est toujours mou. Oui. Mais la fissure est là, quoi. Bon, c'est embêtant, ça, quand même. J'ai payé 4 900 euros cette salle à manger. Ah bon, ouais, quand même. Et là, Henri Morin, hein. Là, tout, oui. Ouais, ça calme. Hein, voilà, ça alors 4 900 euros avec un acompte de 900 euros et un financement 4 900 euros. Oui, voilà, donc 900 euros d'acompte et 4 000 en financement. Ça veut dire, Monique, que vous êtes en train de payer 125 euros par mois, plus ou moins, pour un meuble qui a une boule. On a bien compris qu'on ne sait pas ce que c'est qu'il y avait dans la boule. Mais il y a une fissure. Et donc, voilà, le meuble, il a quand même été acheté. C'était en 2015, mars 2015, on est en 2016, il y a toujours une garantie. Et ce que vous demandez, Monique, finalement, c'est que quelqu'un du magasin vienne voir, il vienne constater ce qui se passe. C'est peut-être rien, c'est peut-être quelque chose qui va peut-être se reproduire, on n'en sait rien. Et donc, effectivement, vous avez effectué des démarches, le mail, les photos, et vous avez aussi envoyé un recommandé qui est envoyé le 12 août, et il n'y a personne. Et donc, voilà. Alors, moi, je me suis un petit peu renseignée sur le magasin. Donc, le magasin, c'est Quality Confort, c'est une société... Ça fait partie d'une société qui s'appelle Société Accent ou Accent, je ne sais pas comment on dit. Le siège social se trouve à Anu et cette société a 6 magasins, dont d'accord, celui de Binche. Voilà. Bon, on téléphone au magasin on va passer un petit coup de Binche, évidemment. Et c'est parti, on va voir ce qu'ils nous disent de ce côté-là, si quelqu'un décroche. Et c'est ouvert aujourd'hui, parce que quand même, on a vérifié. Quality Confort, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sébastien Nolvaux. Vous êtes en direct sur Vivacité dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je me permets de vous appeler parce qu'on a une de vos clientes ici en ligne, Monique, qui a acheté une salle à manger. C'est en mars 2015. Elle a un petit souci avec le buffet, c'est-à-dire qu'il y a eu une boule qui s'est formée. Je suis occupé, là, je suis juste un employé. Il faudra téléphoner quand le patron sera là. Et le patron, il sera là quand? Vous connaissez le dossier, monsieur, ou pas? Est-ce que vous connaissez le dossier? Voilà. Est-ce que vous connaissez le dossier, monsieur? Est-ce que vous connaissez le dossier, monsieur? Voilà. Monsieur, il a raccroché. Oui. Ça ne fait pas les affaires de Quality Confort, cette histoire. Non, pas du tout. Ça, c'est tout, monsieur, un petit peu embêtant. Donc, alors, en gros, on s'est fait remballer. Oui, si on a le temps, on pourrait peut-être passer un coup de fil numéro. Au siège social, carrément. Voilà. Oui, donnons un petit coup de fil au siège social pour dire que leur magasin de bain... L'employé n'est pas très serviable. C'est-à-dire que l'employé doit être occupé peut-être avec un client, mais Ça, on n'est pas là pour le vérifier non plus. Il n'a pas l'air très content, en tout cas. Non, c'est sûr. Quality Confort, bonjour. Bonjour, Sébastien Nolvaux, vous êtes en direct sur Vivacité, monsieur, dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je me permets de vous appeler parce qu'on a en ligne une auditrice, Monique, qui a acheté en mars 2015 un buffet au magasin de Binche, qu'on vient d'avoir en ligne, d'ailleurs, le Quality Confort de Binche, qui nous a raccroché au nez. Donc, on tape un petit peu plus haut. Elle a un petit souci, je vous présente Annie Allard, qui est notre juriste. Oui, c'est suite au mail que nous avons reçu. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, je vous ai envoyé un mail, et donc c'est oui, une commande 601. On a suivi au cours au niveau de l'usine. Mm-hmm. Oui. Donc, on n'a pas encore eu la réponse, et Ouais, c'est une petite boule, c'est ça. Une fissure surtout aussi. Oui, une boule qui a engendré une fissure dans le bas du buffet. Alors, il y a quand même presque 5000 euros. Hein, pour... Voilà, si on vous appelle, c'est que quand même elle a effectué toutes les démarches que le magasin lui a demandé de faire, photos, mail. Elle est allée jusqu'au magasin, mais il n'y a personne qui répond, enfin on ne veut rien lui dire. Et il y a un recommandé qui a été envoyé le 12 août par Monique, et il n'y a pas de réponse. Et c'était surtout sur l'absence de réponse, qu'on lui dise que le dossier est ouvert et que l'usine s'occupe du dossier. Oui, mais qu'elle ait au moins une réponse, quoi. Parce qu'elle est en train elle a obtenu un financement pour le meuble, pour la salle à manger, donc elle est en train de rembourser quand même 125 euros par mois. Voilà, vous n'avez pas plus de nouvelles, vous, alors, monsieur ? À l'heure actuelle, non. Le mail a été transféré immédiatement au niveau de l'usine. Mm-hmm. Et à l'heure actuelle où vous me parlez en ce moment, on n'a toujours pas de retour au niveau de l'usine. Moi, ce que je propose, c'est de renvoyer encore de nouveau un mail. C'est quand même urgent, quoi. Ça traîne depuis un certain temps. Hein. Oui, et visiblement, et là, vous le direz à vos potes du Quality Confort de Binche, il y a un gros problème de communication. Oui, parce qu'ils n'étaient pas très sympas au téléphone. Sincèrement, on vient d'essayer. Monsieur, vous pouvez me mettre en copie du mail que vous enverrez à l'usine. Comme ça, je servirai un petit peu, entre guillemets, de boîte aux lettres ou d'intermédiaire entre Monique et vous. Ça vous ennuie pas ? Il n'y a aucun problème. Donc c'est cool. On a trouvé quelqu'un qui va retaper sur le clou avec l'usine. Monique, les affaires avancent. C'est pas facile, on a compris, mais le dossier est ouvert et nous, les dossiers ouverts, on les met sur le coin de la table. On les suit, lentement mais sûrement, Monique. Hein. Vous allez rester en ligne, monsieur, on va prendre vos coordonnées, comme ça on a un contact direct chez Quality Confort et on fait un gros bisou à tous vos employés de Binche qui nous écoutent et qui raccrochent poliment aux interlocuteurs qui les appellent. Dites, Monique, on fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, ça roule. Florent Pagny arrive, le journal de la conso. Il y a quoi dans le journal de la conso ? Bon, on va parler du nouvel iPhone. Tu m'étonnes, on ne parle que de ça et ça coûte une blinde, cette histoire. Peugeot Olivier. Oh yeah. Venez découvrir notre nouvelle concession Peugeot à Tubize. Peugeot Olivier vous accueille dans son vaste nouveau showroom. Chaussée-le-Monce 377 à Tubize, à 2 minutes du centre. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. Bon, vous êtes prêts ? Les pianos droits à queue et digitaux ? Les pianos neufs et d'occasion ? Les prises imbattables ? Eh bien c'est parti pour la valse des portes ouvertes des pianomanes ! Portes ouvertes en septembre, facilité de paiement, leasing et location. Les pianomanes Bruxelles, près de la gare du Midi et sur maene.be. Pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez le 5 à 7 pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Et à la terre entière, en vouloir puisse taire. blessé jusqu'à sa dignité, sans plus rien demander, qu'on vienne vous achever. Et un jour une femme dont le regard vous frôle vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes. Puis un jour une femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde. Sa patience vous remet debout. Trouver en soi un avenir peut-être, et surtout l'envie d'être ce qu'elle attend de vous. Et un jour une femme dont le regard vous pose vous porte sur ses épaules comme elle porte le monde, et jusqu'à bout de force recouvre de son écorce vos plaies les plus profondes, vos plaies les plus profondes. Et un jour cette femme met sa main dans la vôtre pour vous parler d'un autre, parce qu'elle porte le monde, et jusqu'au bout d'elle-même vous prouve qu'elle vous aime par l'amour qu'elle inonde, par l'amour qu'elle inonde. Et un jour cette femme dont le regard vous touche. Quel bel hommage à toutes les femmes, signé Florent Pagny. C'était en 2000, et un jour une femme, c'est le titre. On part sur les routes à Michel Blouberg. On fait le point sur la situation avec vous. Oui, eh bien, on a encore quelques ralentissements dans le chantier de Cherat sur le 40 Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Uniquement vers Aix-la-Chapelle, entre Votem et Cherat, sur 6 km, vous pouvez rajouter une vingtaine de minutes supplémentaires. Du côté du ring de Bruxelles, encore quelques fils également en circulation extérieure entre Woluwe, Saint-Étienne et Zaventem, et de Strombeek à Jette vers Grand-Bigard. Et puis en circulation intérieure entre Grand-Bigard et Jette, et de Grimbergen à Vilvoorde vers Zaventem. Et encore quelques fils du côté de Bruxelles dans le tunnel Léopoldo en direction du Midi. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En 11h33, c'est le journal de la Conso. Toute la presse en parle aujourd'hui. Le nouvel iPhone a été présenté hier soir. Oui, modèle iPhone 7 et 7 Plus. Ça ne va pas révolutionner l'histoire du téléphone. Mais on peut tout de même noter alors trois changements qui répondent à des demandes récurrentes des consommateurs. Et ceux qui ont un iPhone vont s'y retrouver. L'extension de la mémoire de stockage. Parce que commencer à 16 gigas de stockage, c'est pas beaucoup. Surtout quand on a une caméra Full HD, etc. sur l'appareil. Une autonomie rallongée de 2 heures. Ça aussi, on va être content. Ah, et pour puis, la batterie, bah oui, idée, et puis l'étanchéité du smartphone. Il faut savoir que dans 70% des cas, les iPhones qui sont foutus le sont à cause de l'humidité. Et en général, Apple se retourne, se protège en disant ah, votre téléphone, vous l'avez utilisé dans la salle de bain. Ah, bah, ils ne pourront plus le dire maintenant. Cool, on peut le laisser tomber dans les toilettes tranquille. Voilà. Presque. Alors, au rayon des vraies nouveautés, citons surtout une nouveauté qui fâche tout le monde. Il n'y a plus de port pour brancher le casque, mais ça passe par le connecteur Lightning. Donc c'est l'endroit où on met la prise pour charger. Donc on peut donc vous voilà charger le téléphone. Vous devrez choisir et écouter avec une oreillette en même temps. Ce sera impossible. Or justement quand on écoute de la musique, ça décharge quand même pas mal le téléphone. Donc souvent qu'est-ce qu'on faisait? On écoutait la musique tout en chargeant. Ici ce sera pas possible, sauf si vous achetez un casque Bluetooth sans fil. Oui. D'accord. Là c'est possible. Ah ben alors, mais vous devez l'acheter. à 179 euros. Non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Bon, alors après, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez aussi vous contenter des écouteurs qui seront fournis avec. Mais alors là, une nouvelle fois, on vous dit, vous serez obligé de choisir entre écouter de la musique ou charger votre téléphone. Bon, ça coûte combien cette petite histoire ? Ça commence à 769 euros le modèle de base, donc 32 gigas, hein, c'est quand même un petit peu plus qu'avant. Ça va jusque 1129 euros. Mais non. Si, c'est cher, hein. Mais c'est... Ça, c'est le 7 mais plus attends, avec... C'est énorme, quoi. Bah, c'est très cher. C'est voilà. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 1129 c'est euros ? C'est ce qu'on vous pose sur la on page vous pose Facebook. La question sur la page Facebook. Un exemple. Alors, un exemple, eh bien, on a par exemple Michel qui nous dit « Avant de vendre mes deux reins pour acheter un iPhone 7, j'aimerais savoir si ce dernier peut se connecter aux appareils de dialyse. Je ne sais pas pourquoi, mais le commercial de chez Apple ne veut pas répondre à cette question. » Voilà. Écoutez, continuez, c'est la question qu'on vous pose sur Facebook. Est-ce que vous seriez prêt à mettre cet argent pour un iPhone ? Et surtout, qu'est-ce que vous feriez avec 1129 euros ? Ça, on vous lira tout à l'heure. On poursuit le journal de la conso avec l'écho qui parle de consommation de lait qui ne cesse de diminuer en Belgique. Oui, on est passé de 76 litres par an par habitant en 1980 à 50 litres en 2014. Et si on remonte encore plus loin, on a diminué par deux, puisqu'en 1950, donc juste après les privations de la guerre, on buvait, tenez-vous bien, 99 litres de lait par habitant. C'est beaucoup, hein ? Par an. C'est beaucoup. Bah oui, par rapport à maintenant, on est descendu à 50 quand même. Alors l'explication de cette chute, c'est la mauvaise réputation du lait. Il serait indigeste, il provoquerait des allergies, on peut même lire maintenant qu'il provoquerait aussi le cancer du sein. Et l'écho a donc interrogé des spécialistes pour savoir ce qu'il en est. Mm-hmm. Le problème, c'est que ça ne va pas nous aider des masses parce qu'on a les avis pour et les avis contre. Il y a notamment un gastro-entérologue qui, lui, est pour puisque, selon lui, le lait et ses dérivés offrent des protéines, des vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments et des graisse très importante pour le corps. Par contre, un ostéopathe nutritionniste, lui, est opposé au lait. Pour lui, il n'est pas digeste, il abîme les intestins. Il est bourré d'hormones, de vaccins et même d'antidépresseurs que les vaches ingurgitent via leur alimentation. Ah oui, mais voilà. Voilà. Et voilà. On va trancher pour autre chose. On va parler de bière, Annie. On va être très attentif. Dans la presse du jour, on parle de bière. Mais oui, avec le rachat par le géant de la bière AB InBev d'une brasserie artisanale belge détenue par la famille Bostels depuis 7 générations. C'est à cette brasserie qu'on doit la Quack, la Triple Carmélite et la Deus. On connaissait l'appétit d'AB InBev pour les concurrents qui fabriquent de la Pils. On peut donc maintenant s'attendre à ce qu'ils lorgnent aussi du côté des plus petits et des brasseries artisanales. La brasserie Bostel s'explique pour sa part qu'ils ont vu dans l'offre AB InBev la plus belle opportunité pour se développer à l'étranger, mais ils rassurent, ils ne perdront pas leur âme pour autant, c'est ce qu'ils grand promettent. Bien leur fasse, mais en même temps, je trouve ça un petit peu dommage. Hein, non, mais attends, depuis 7 générations, et là, ils viennent de vendre leur âme au diable. Oui, mais c'est à ça que je pensais. Oui. C'est un petit peu dommage. Je trouve, bon, en même temps, du moment que... L'argent dirige le monde. Hein. Voilà. Voilà, pour autant que la bière... Et puis la patronne dit « Valait peut-être mieux vendre à ce moment-ci plutôt que d'attendre un dernier moment où les affaires ne vont plus. » Apparemment, ça n'allait pas très bien, voilà. Écoutez, ça c'est... Chacun son point de vue. Du moment que la bière reste... C'est ça, du moment que la couac reste la couac. Et qu'elle ne soit pas transformée et englobée dans ce grand marché de la mondialisation. On est d'accord. Strumbelas, c'est ce qui arrive après la pause. Et puis nous parlerons de plaques d'immatriculation personnalisées avec Jacques. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Et pour toi, qui a le meilleur prix ? Le meilleur prix ? Avec le choix, la qualité et les conseils du spécialiste compris. C'est chez Big Mat, bien entendu. Alors, cette semaine, ne ratez pas leur folder de promo dans votre boîte aux lettres et sur bigmat.be. Big Mat, bien plus que des matériaux. Vous ne rêvez pas. Vassieu Godot offre 21% de remise sur la literie, les box springs, les matelas et les sommiers à latte. Vous préférez encore dormir dessus ? Profitez de cette action de rêve du 1er au 30 septembre. Vassieu Godot, Alzenberg, E19, sortie 20. Ouvert également le dimanche. Pour les 50 ans de Toyota en Belgique, profitez de conditions anniversaires exceptionnelles pendant tout le mois de septembre. Jusqu'à 4000 euros d'avantage sur les hybrides et des conditions irrésistibles sur le reste de la gamme. Rendez-vous aux portes ouvertes du 16 au 18 septembre chez votre concessionnaire Toyota. Plus d'infos sur toyota.be.

envie. Bah, parce que vous venez d'acheter une plaque qui s'est marquée Baby. Parce que depuis la fin de l'année dernière, il y a eu un sacré coup d'arrêt au succès des commandes de ces plaques personnalisées. En 2014 et 2015, les chiffres étaient stables. On était autour de 6400 commandes de plaques personnalisées par an. Ouais. Mais là, ça, c'était jusque fin 2015. Et c'est là que le prix a changé. Il est passé de 1000 euros à 2000 euros la plaque. Et du coup, badaboum, les commandes de plaques personnalisées se sont effondrées. Le prix a changé en décembre 2015. Et ça s'est senti directement, puisque de novembre 2015 à décembre 2015, on est passé de 590 à 150. Ah ouais, donc 4 plaques seulement. Manque à gagner pour les caisses de l'État aussi. Hein. Bah oui, puisque jusqu'au début de cette année, ces personnalisations avaient rapporté près de 22 millions d'euros à l'État. Alors, si on était à une moyenne de 540 plaques par mois jusque fin 2015, on est passé depuis à une moyenne de 160 par mois, diminution, et donc le calcul est vite fait. Quand elle coûtait 1000 euros en 2015, ça rapportait en moyenne 540 000 euros par mois, c'est alors fou, qu'avec les plaques à 2000 euros, on n'est plus qu'à 320 000 euros, soit une perte de 220 000 euros. Bon, alors, imaginons qu'on a quand même de l'argent et qu'on veut commander une plaque. Il y a des règles précises pour les inscriptions, on ne peut pas choisir... Oui et non, en fait, il y a des règles pour éviter la confusion avec d'autres plaques, mais pas vraiment de critères pour ce qui est de la signification des mots qu'on choisit. On peut faire ce qu'on veut à ce niveau-là. Je vous explique. Donc, d'abord, pour ce qui concerne la confusion avec les autres plaques, la combinaison que vous choisissez doit contenir au moins une lettre et au maximum 8 caractères. Ouais. Et elle ne peut pas commencer, par exemple, par CD, oui, forcément, parce corps que diplomatique. Confusion avec corps diplomatique. Et puis, il y a une série d'autres restrictions, si on veut une plaque qui commence par W, X, Y, Z, car en fonction de ce qui suit, il pourrait y avoir d'autres confusions avec les plaques internationales de courte durée, plaques d'exportation ou plaques commerciales des professionnels du secteur. D'accord, mais au-delà de ça, il y a une grande liberté. Il n'y a pas de liste de critères définis. Moi, je pensais en fait qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait absolument pas mettre. Et moi, j'avais entendu aussi qu'on ne pouvait pas dire des trucs du genre... Alors j'ai contacté le SPF Mobilité. En fait, il n'y a pas de liste a priori. S'il fallait Attends, tu mettrais ça sur ta voiture. J'allais dire qui a envie. Mais non, mais c'est pas moi. Faire un cadeau à ton sexe symbole. Ah, voilà. Ah. Ça. Mais ça. Ça. Ça, c'est trop long. Mais oh, Jacques, quel vantard! Alors du côté du SPF Mobilité, en fait, ils m'ont dit que s'il fallait interdire une inscription qui pourrait être jugée déplacée ou offensante, ça se ferait sur base de plainte. Oui. Mais ce n'est jamais arrivé jusqu'ici. Donc voilà. Ah oui. Donc un couple qui nous écoute et qui veut mettre deux plaques personnalisées et appeler Bibiche et Minou peuvent. Ça c'est possible, sans d'accord. problème. D'accord, ouais. Écoutez, priori, c'est à réfléchir. Ouais, moi j'ai vu la semaine passée une plaque personnalisée Sérope. C'est un peu particulier, moi ça m'a tout de suite fait penser à séropositif. Je trouvais que c'était un peu particulier, j'imagine que ça devait être une société. C'est le nom d'une société, peut-être. Moi j'en connais deux, trois qui mettraient bien 23 cm. Sinon j'ai une copine qui a une plaque pas du tout personnalisée et c'est GPT. Ah, ça, donc c'est elle est un peu embêtée ça. Quand elle doit donner sa plaque. Mais c'est vrai. Hein, ça c'est drôle. Si vous avez des plaques personnalisées, photographiez-les et envoyez-les sur la page Facebook de l'émission. Pourquoi pas? Il y a Axel Red qui débarque et puis Anne-Laure nous a rejoint en studio. Anne-Laure qui va nous parler d'un truc de fou. C'est quoi cet appareil devant vous? Un appareil révolutionnaire qui va peut-être pouvoir vous éviter des ennuis de santé. Et c'est quoi? C'est quoi? Ça s'appelle comment? Ça renifle la nourriture. Bien ça s'appelle un food sniffer. Et on voit si c'est avarié ou pas. Bah, écoutez, on en parle dans quelques minutes. L'assurance au kilomètre de Corona Direct. Maintenant, 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Fanny ? Oui, monsieur ? Pourriez-vous appeler Convert, notre agence intérim ? À quel sujet ? Vous savez, j'avais promis un tour du monde à ma femme. Eh bien, nous partons. Mais qui va s'occuper de la gestion, du commercial ? Et en plus, vous êtes aussi parfois sur chantier ? Justement. Appelez Convert, ils ont les bonnes personnes pour chacun de ces jobs. Convert, travail intérimaire pour employés, ouvriers et étudiants. Convert avec un K, s'occupe de votre cas. Toutes les infos sur convert.be. La Netherlands Academy est la seule école à n'enseigner que le néerlandais. Qu'est-ce que cela apporte de plus ? Bart, professeur. Je moet weten, we geven les op de Nederlandse Vous savez, on se trouve à la Netherlands Academy. Kent onze school en tout le monde connaît notre école. Et les attentes sont énormes. On ne veut pas décevoir nos étudiants. Et donc, on se donne à fond à tout moment de la journée. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Cours du jour, du soir et du samedi. Info sur nedaka.be. Tu trouves 24 septembre, c'est l'anniversaire chic des magasins Schmitt. Monsieur, vous n'auriez manqué ça pour rien au monde. Un anniversaire où c'est vous qui recevez des cadeaux. Il n'y a que Schmitt qui fasse ça. Votre cuisine Schmitt à partir de 6 400 €, électroménager inclus. Voir descriptif de l'offre et conditions en magasin et sur cuisine-schmitt.be. Schmitt, première marque européenne de meubles de cuisine et rangement. Du 3 au 24 septembre, rendez-vous dans votre centre conseil Schmitt à Gembloux, Nivelles, Waterloo, Wavre, Sint-Pietersleu, Uccle et maintenant à Bruxelles-Louise. Schmitt, le sur-mesure n'est plus un luxe. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stgilles800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Attention, on a un conducteur fantôme à nous signaler, Anne-Michel. Effectivement, Sébastien, il se trouve sur le 42 tournée Mons. Il y était il y a quelques instants entre Blaton et Péroué. N'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Donc, conducteur roulant à contresens sur le 42 tournée Mons. Il était il y a quelques instants entre Blaton et Péroué. N'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. C'était Axel Red en 1999. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Vous allez bientôt passer à table, on a un truc qui va peut-être vous aider. Comment savoir si la viande qui est dans le frigo depuis 2-3 jours est encore consommable, Anne-Laure? Quand on achète de la viande ou du poisson préemballé, c'est facile. Hein. Théoriquement, on peut se fier à la date limite de consommation. Mais par contre, quand on achète sa viande chez le boucher ou son poisson chez le poissonnier, il n'y a pas de date forcément. Ouais, là, on se fie à son nez. Et puis, on fait comme dans Astérix. Il n'est pas vraiment poisson et tu vas taper sur le poissonnier. Mais vous avez peut-être, Sébastien, un odorat très performant, mais ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Et du coup, il faut se méfier puisque dans la viande ou dans le poisson, il peut se développer de vilaines bactéries hein, comme des salmonelles ou des échéries. Et ça peut clairement mettre la santé en danger. On fait comment alors? On utilise le food sniffer. Le food sniffer. Ouais. What is it exactly? Alors, c'est un petit appareil qui fonctionne de pair avec une application smartphone qui est gratuite. Cet objet, en fait, c'est un peu comme un nez électronique qui va renifler vos viandes et vos poissons et qui vous dira si tout ça est frais ou pas. On vous dira si c'est carrément avarié, s'il faut le cuire vraiment à cœur pour le consommer ou si simplement votre produit est frais. Mais ça a l'air pas mal comme ça, mais ça reste un appareil. Comment ça marche? Alors on l'a évidemment testé à de nombreuses reprises. C'est Manu Morimont qui s'en est chargé, vous le verrez en télé ce soir. Il l'a fait tester à partir de poissons qui étaient emballés en barquette, un poisson qui avait largement dépassé la date et un qui était frais. Les gens simplement au nez le repérait et le food sniffer ne se trompait pas. D'accord. Ensuite, il est allé voir un boucher et là, le boucher avait mis des pièces de viande de côté qui, clairement, pour lui, n'étaient plus consommables. D'accord. On a testé avec le food sniffer et là, le food sniffer nous disait quelquefois qu'on pouvait quand même le consommer, mais en le cuisant à cœur. Et le boucher, lui, était vraiment formel. Il disait non, ça, c'est des morceaux que je vais mettre à la poubelle. D'accord. Donc, pour qu'un boucher dise ça, voilà, pour qu'un boucher dise ça, c'est que vraiment, il estimait que c'était pas bon. Donc, ça marche pas à tous les coups. Ben non, ça marche pas à tous les coups. Et franchement, si on fait confiance au food sniffer les yeux fermés, ben on peut passer des heures sur les toilettes. Oui, c'est embêtant. Voire plus grave, évidemment, on peut aussi finir à l'hôpital. Mais alors, comment ça fonctionne concrètement le truc ? Alors, d'après ce que j'ai pu lire, en fait, c'est des capteurs spéciaux sensibles à la température, à l'odeur, à l'humidité et à certains composés organiques dangereux pour la santé qui sont présents dans les aliments avariés, comme l'ammoniac, par exemple. Après analyse, l'appareil envoie des informations sur votre portable. Alors, je vous propose qu'on fasse le test. J'ai été chercher de l'américain à la cafétéria de la RTBF ce matin. Ah, si, je l'ai laissé au frigo. Non, mais si là, l'appareil, il dit que c'est pas bon. Là. Alors, je l'ai laissé au frigo. Ouais. En théorie, donc, vous devez. C'est plus long parce que les téléphones se mettent tout le temps. Ils se coupent et il faut remettre le code. Mais ça va aller. Vous dirigez l'appareil vers la nourriture qui a dû être recouverte pendant 3 minutes. Ça, c'est important. Elle a dû être recouverte pendant 3 minutes, évidemment, pour que les gaz soient concentrés. D'accord. Et ensuite, le food sniffer va l'analyser, cette nourriture. Et vous allez voir le résultat s'afficher sur votre smartphone. D'accord. Vous aurez au préalable choisi ce que vous faites renifler comme viande, si c'est du porc, si c'est de la volaille, si c'est du poisson. Voilà, là, dans quelques secondes, ça va s'afficher et on va voir le résultat. Est-ce que vraiment on peut se fier cette fois-ci à l'américain au food de sniffer la cafette et à l'américain de la cafette aussi au passage. On me dit que c'est frais. Regardez, preuve. Voilà, je donne ça à Jacques. Ok, on peut manger un sandwich à l'américain. C'est tout à fait frais. Mais c'est tout à fait frais. Ça coûte combien cet appareil ? 150 euros. Ah, quand même. Quand même, hein. Alors, si vous n'êtes pas satisfait, ceci dit, on peut le renvoyer dans les 30 jours et apparemment, vous êtes débité sur votre carte Visa progressivement par tranche de 50 euros. Mmh. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, vous le renvoyez et on devrait vous rembourser. On en reparle ce soir à la télé et puis en même temps, on donnera quelques conseils hein, pour, si on n'a pas l'appareil, pour donner des trucs et astuces. Si on ne fait pas confiance à l'appareil, comment bien conserver sa viande et vérifier qu'elle est encore bonne ? Ce soir sur la Une à 18h30. To get up on myself, I can find a way to hide all the dreams I fell so far. Jermis avec Sweet Afterglow. Une petite pause, détour par la rédaction pour les infos de midi. On revient après pour la deuxième heure de cette émission. Conditions de lancement exceptionnelles pour les nouvelles Suzuki Baleno et Suzuki S-Cross chez Dewey Car Center. 250 euros de remise supplémentaire sur toute la gamme pendant les Attraction Days, les 9, 10 et 11 septembre. Dewey Car Center à Maze et à Vilvoorde, votre concessionnaire Suzuki du nord de Bruxelles. Dewey Car Center. Ne manquez pas la deuxième édition du Toots Jazz Festival à la Hulpe. Un hommage à Toots Thielemans. Une affiche exceptionnelle avec Michel Jonas et Manu Katché. Philippe Catherine, Richard Galliano et Didier Lockwood. BJ Scott. Steve Barrow. Bruno Castellucci et la crème du jazz belge. Les 9, 10 et 11 septembre. Info et tickets, jazzlahulpe.be. Avec Vivacité. Vivacité présente le meilleur de l'Extraordinary Film Festival. Les 16 et 17 septembre à Uccle. Renseignements, teff.be. Avec Cap 48 et Vivre Ici. Avec Lidl, faites du sport maintenant. Parce que le programme de cet été, c'est apéro, barbecue et glace. Alors accompagnez Lidl sur les étapes cyclistes du Beauvélo de Ravel. Rendez-vous sur notre stand Vitalité et tentez de gagner de nombreux cadeaux. Plus d'infos sur Lidl.be. Lidl, pour tout ce qui compte. Cuisine Xina. Les fêtes sont en avance chez Xina. Commandez en septembre, nous installons en décembre. Xina.be, c'est bien pensé. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29 euros par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330 euros. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Les infos avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour. Va-t-il parler ? Salah Abdeslam est à nouveau entendu par les juges antiterroristes à Paris. Il a été sorti de sa cellule très tôt ce matin. Le seul terroriste présumé encore en vie des attentats de Paris refuse pour l'instant de coopérer parce qu'en prison il est filmé 24 heures sur 24. Alors va-t-il aujourd'hui sortir de ce mutisme ? Nous rejoignons à Paris notre envoyé spécial Patrick Michel. Patrick, quelles sont les informations que vous pouvez nous donner ? Eh bien écoutez, la seule certitude pour l'instant, c'est que Salah Abdeslam est bel et bien dans le cabinet du juge d'instruction depuis plus d'une heure, donc 1h30 environ, ce qui est déjà en soi une information. Et puis l'autre élément, c'est qu'il a été rejoint, l'avocat français de Salah Abdeslam, Franck Berton, a été rejoint par Sven Marie, son avocat belge. Et ça en soi aussi, c'est une nouvelle information. C'est peut-être le signe que la justice française tente de mettre la pression sur Salah Abdeslam pour tenter de le faire sortir de son mutisme. Il faudra donc attendre la fin de l'audition, peut-être, on ne sait pas quand ça va se passer, ça peut être d'ici quelques minutes ou ça peut encore se prolonger durant l'après-midi pour connaître exactement ce qui s'est réellement passé. Une chose est sûre, c'est que c'est la première fois peut-être que l'audience dure aussi longtemps depuis que Salah Abdeslam a été transféré à la prison de Fleury-Mérogis le 27 avril dernier. Merci Patrick et nous vous retrouverons dans le journal de 13h. Frayeur et panique généralisée ce matin dans la station de métro Horta à Saint-Gilles. Un adolescent a jeté un sac sur les voies, il s'est enfui en courant. C'était une plaisanterie, mauvaise plaisanterie. Le propriétaire du sac a été identifié. On ne sait pas si c'est lui qui a lancé l'objet, mais le trafic des trams a été perturbé. Il est jugé pour avoir attaqué avec de l'acide une femme de ménage dans un supermarché de Lèze. C'était en février 2015 à Anvers. Le procès de cet homme touche à sa fin au tribunal correctionnel de Bruxelles. Le parquet réclame une peine de 20 ans de prison assortie de 15 ans de mise à disposition du tribunal de l'application des peines. Pour le parquet, le prévenu est extrêmement dangereux et pourrait tout à fait récidiver. Le gouvernement wallon va rencontrer la direction américaine de Caterpillar. Ce sera la semaine prochaine, mercredi. Le but serait d'abord de convaincre que le site est viable dans son entièreté ou en partie. Et entre-temps, le gouvernement wallon prépare le futur. Il met sur pied une task force régionale avec les syndicats notamment. Ils vont étudier les possibilités pour maintenir un maximum d'emplois et un maximum d'activités sur le site, ainsi que dans les entreprises aussi dont l'activité dépend de Caterpillar. Autre décision, la création d'une cellule de coordination. Elle voit le jour entre la Wallonie et le fédéral. Là pour régler par exemple des questions qui se posent à propos des prépensions. Et pour veiller au respect par Caterpillar de la loi Renault, un cabinet d'avocats est engagé. Il va également analyser les arguments de la direction pour justifier la fermeture de l'usine de Gosselies. Notez enfin que le ministre fédéral de l'Emploi, Chris Peters, plaide pour une réquisition l'acquisition du terrain. Un conseil des ministres du fédéral est en cours. Un conseil et beaucoup de chiffres sur la table des ministres. Selon nos informations, les rentrées fiscales seraient, une fois encore, moins importantes que prévu. Le gouvernement fédéral devrait chercher cette fois plus de 2,4 milliards d'euros. Anne-Michel Vlouberg a toujours des problèmes à Charette. Oui, enfin du moins les automobilistes dans ce chantier ralentissent toujours sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Bruxelles. Uniquement vers Aix-la-Chapelle entre Vautem et Charette sur 6 km, vous perdez encore une vingtaine de minutes. Des ralentissements du côté du ring de Bruxelles encore en circulation extérieure entre Strombeek et Jette vers Grand-Bigard et en circulation intérieure à Strombeek et entre Vilvoorde et Mechelen vers Zaventem. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez Sébastien Nolvo et l'équipe d'On n'est pas des pigeons. Jusque 13h. Merci Delphine. À la rentrée, on n'oublie pas de glisser un mascara dans son plumier. En ce moment chez Planète Parfum, moins 21% sur tous les mascaras. Valable aussi sur planeteparfum.com. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Voulez-vous connaître le programme de cette deuxième heure? Oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Eh bien, nous téléphonerons à l'épouse de Pierre qui a gagné une moto en prêt lors d'un concours. Ça arrive souvent, ça. Hein. Tiens, tu remplis un concours et puis on te file une moto en prêt. Sauf que la moto, bah, elle est toujours pas là. Elle est toujours pas là, elle a été volée, c'est une BMW et on ne sait pas lui en trouver une autre. Alors nous, ça, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ça? On téléphonera à Samy, notre journaliste, se trouve en direct du Deleuze Food Show. Une présentation de toutes les nouveautés qui vont arriver dans les magasins de l'enseigne. On va voir un peu quelles sont les tendances de cette rentrée. Yamaya qui viendra aussi nous parler d'une application anti-SMS au volant. Ça peut être bien ça. Et on n'oublie pas la question du jour. Il y a l'iPhone 7 qui est sorti. On rappelle qu'il coûte, en tout cas celui qui est blindé d'options, 1129 euros. Oui, et qu'est-ce que vous feriez avec 1129 euros? Thibaut nous répond déjà. Avec tout cet argent, des vacances en famille remplies de bons moments ou alors une sécurité pour les coups durs. Vous avez d'autres bons plans avec 1129 euros? Dites-les-nous sur notre page Facebook, On n'est pas des pigeons. Vous pouvez aussi envoyer un mail. L'adresse est pigeon@rtbf.be. Laissez un message sur le répondeur 070 222 660 ou envoyez un SMS au 3063. Ça coûte 50 centimes. Avec tout ça, il y aura un petit peu de musique, évidemment, aussi. Extra lucide, quand tu es sur la scène. Avec, la scène, entre autres, Vanessa Paradis, la scène. On rajoute Chris Cab. Chris Cab avec Badabing. Vous avez grosso modo ce qui vous attend dans les prochaines minutes. Et un bon appétit aussi, hein, si vous passez à table. Je prends les choses comme elles viennent. Sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Je danserai au son du canon, au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Jour de nos fiançailles. Je croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents pleurent jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles. Serre-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir mon coup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Gérald de Palmas avec le jour de nos fiançailles. On n'est pas des pigeons. Alors, il est midi 10. Samy, aujourd'hui, journaliste de la rédaction de On n'est pas des pigeons, avait envie de s'empiffrer gratos. Et donc, il a décidé de partir au Deleuze Food Show. C'est la grand-messe annuelle de l'enseigne Deleuze qui présente toutes les tendances de l'année, en gros, Samy. C'est exactement ça, c'est le Disneyland de la bouffe en gros. Hein. Donc moi ce matin j'ai été accueilli par des gentils organisateurs, ils m'ont fait visiter des centaines de produits, des centaines d'échoppes et on peut vraiment tout goûter, comme vous l'avez dit, du poulet bio, aux fruits séchés, aux chocos. Franchement là je peux plus rien avaler. Vous allez être malade. En plus, je fais un régime. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. En plus, il avait dit qu'il faisait un régime. C'est malin d'aller là-bas. Alors, est-ce qu'on peut déjà parler de tendance? Qu'est-ce qu'on va goûter dans les prochains jours? On va voir débarquer dans les magasins. La tendance, hein, en deux mots, c'est le street food. Donc, vous savez, les food trucks des festivals, mais version food truck du monde. Alors, vous allez retrouver le hot dog version new-yorkaise, le tacos version mexicaine, le bao bun, c'est une espèce de sandwich chinois. Tout ça est pré-emballé, il suffit de mettre ça au micro-ondes. Voilà, alors j'ai goûté. Hein. Oui, parce qu'Annie, là, sur la description que vous venez de faire, Annie fait la moue, fait une drôle de tête. Eh bien, moi aussi, je fais la moue, j'ai trouvé ça franchement dégueulasse, comme dit Carlo. Non, on va dire que ça n'est pas à votre goût, Samy, pour éviter les ennuis. Comme vous me le dites à chaque fois. Écoutez, moi, je suis pas fan de la junk food, hein, vous savez. Les tout en un, comme ça, ça me laisse un petit peu perplexe. Bon, on était un petit groupe de journalistes et tout le monde faisait un petit peu la boue. Je sais pas si ça va marcher. Je souhaite en tout cas bonne chance à Deleuze. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que au rayon santé, ils vont quand même innover. Hein. Ça, c'est pas mal. C'est la deuxième tendance. C'est la carte santé, mais santé pré-emballée. Donc, vous allez retrouver des produits pour woke. Tout est pré-emballé. Vous allez retrouver vos petites nouilles d'un côté, vos légumes, votre riz. C'est pas mal. J'ai goûté, c'est pas mal. Tout est pré-emballé. Même pour faire des sauces, par exemple le guacamole. Eh bien, vous allez retrouver votre avocat, votre oignon, tout ça pré-emballé. Ouais, donc en gros, on nous facilite la tâche, quoi. Au lieu de s'amuser à découper tout le machin, on nous facilite la tâche et on paye plus cher, forcément. Et même comique, j'ai trouvé maintenant des chips à faire au four, quand même. Là, on vous complique la tâche, peut-être. Oui, ça c'est sûr qu'on nous complique la tâche. Il y a encore d'autres tendances comme ça qui se dégagent? Eh bien, écoutez, au niveau boisson, alors vous savez ce que sera le prochain cocktail de l'été, à votre avis? On connaît le tout ce qui est à base de tequila, le rhum, etc. Maintenant, il y a un nouvel alcool qui s'appelle le pisco. Enfin, je dis nouveau, mais ça existe depuis longtemps. Mais Deleuze va mettre le paquet pour en vendre plus, pour le mettre à l'honneur, en tout cas cette année. Et on fait un délicieux cocktail qui s'appelle le pisco sour. On va voir si ça va marcher. Ça, c'est vraiment au niveau... au niveau boisson. Mais ça se rapproche de quoi, cet alcool pisco, là? Écoutez, c'est une eau de vie de vin originaire du Pérou et du Chili. Ça tire à 45 degrés. C'est un peu comme une grappa, finalement. Vous connaissez les grappas? Ouais. Pas du tout. Bah écoutez, je vous inviterai chez moi, comme ça on goûtera une grappa et vous restez, quoi. Bon, vous n'avez pas encore goûté les 12h12. Ne me dites pas que vous n'avez pas encore goûté l'eau de vie du Pérou. Moi non, mais Sébastien, j'imagine que oui. Ça s'appelle pisco. Oui, c'est ça. Pisco. Bah oui, forcément, voilà. Quand si on boit, en bois trop. On pisco. On pisco, excellent. Bravo, je me demandais comment j'allais la faire, c'est là, mais bon. Dernière chose à ajouter, pas mal de bières de microbrasserie, notamment venues des États-Unis, figurez-vous, qui vont se retrouver dans les rayons. On sait qu'ils sont assez actifs, hein, les Américains, pour ces microbrasseries. Et puis, une bière sans sucre. La Collier 28 qui débarque aussi. Voilà, j'ai goûté, elle est pas mal. Allez, voilà. Ça va débarquer prochainement dans les magasins du groupe Deleuze. Oh, dans quelques semaines, vous allez retrouver tout ça. Écoutez, voilà. Samy, faites attention, hein, faites régime. Donc, on n'exagère pas pour cet après-midi. On fait comme ça. C'est clair.

Vanessa Paradis et M. Pourquoi ils n'ont pas mis Vanessa Paradis et Mathieu Chédid, ou alors V et Mathieu Chédid, ou V et M? Ou VPM. Ou VP, ou, enfin, un truc, enfin, en tout cas, c'était la scène. Voilà. 11h, 13h, on n'est pas des pigeons. Attention les amis, Maïa nous a rejoint autour de la table pour distribuer des mauvais points. Ah bon? Je oui, vais faire ça, moi? Vous allez distribuer des mauvais points à ceux qui, parmi nous, ont la fâcheuse habitude de consulter leur téléphone en conduisant. Qui c'est... autour de la table fait ça? Jamais. Oh, arrête. Au grand jamais. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si, j'avoue, de temps en temps, je le fais. Mais dans les emboutes. Des fois, c'est peut-être plus dangereux. Des fois, c'est peut-être plus dangereux. Pour balayer devant sa porte. Tu vois pas que la voiture devant freine et boum. Mais j'avoue, c'est dangereux. C'est pas bien. Et c'est pas bien. Pourtant, on est de plus en plus nombreux à être accro à notre smartphone. Vous n'êtes pas les seuls, Sébastien, Jacques ou encore Annie. Tellement accro, même qu'on a tendance à rester connecté, même au volant. Et ça, c'est une très mauvaise idée. Non seulement c'est interdit, mais surtout, c'est très dangereux. Téléphoner au volant multiplie le risque d'accident par 3, et à votre avis, échanger des messages au volant, ça multiplie le risque d'accident par combien? Donc téléphone 20. Oui, le SMS, on parle de SMS. De SMS. Des SMS, c'est terrible, ça prend l'attention, c'est aussi, ça bloque la motricité, enfin c'est terrible, hein, les SMS. Ben, Aurore n'est pas loin du tout, ça multiplie le risque d'accident par 23. Waouh! Énorme. 85 à 90% de la population belge trouve ces comportements inacceptables, et pourtant... Le font quand même. Voilà, un Belge sur deux avoue le faire quand même de temps en temps. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. C'est vraiment ça. Et pourtant, ben là, le code de la route, lui, il est clair, hein, conducteur ne peut pas faire usage de son téléphone portable en le tenant à la main, sauf à l'arrêt ou en stationnement. Attention, attention, être dans les emboutes, comme on le signalait tout à l'heure, c'est pas être à l'arrêt au sens où l'entend le code. Pareil, si on est bloqué dans un feu rouge, c'est pas être à l'arrêt au sens où l'entend le code de la route. Non, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe, et si le code est si rigoureux, ben c'est parce qu'utiliser son téléphone au volant, c'est la première source de distraction. Aurore aussi a déjà un petit peu mentionné les différents types de distractions. À votre avis, quel type de distraction ça occasionne d'avoir un téléphone comme ça à portée de main? Il y a différents types de distractions. Mais on regarde plus la route. Évidemment, déjà, effectivement, une distraction visuelle. Je ne sais pas du tout. On tient un téléphone où on n'a plus... On a une main qui est occupée. Avec le téléphone, donc on sait pas. On aura moins de réflexes, ou en tout cas, voilà. Si on en a, oui. Distraction physique, distraction visuelle. Il y a aussi une distraction auditive, parce qu'on perçoit moins bien les bruits de la circulation. Et puis la plus importante, ou presque, la distraction cognitive, c'est-à-dire qu'on pense à autre chose, donc on n'est plus du tout concentré sur la route. Et du coup, le temps de réaction augmente. Et surtout, si vous avez des conversations qui sont vraiment très prenantes, donc soit parce qu'elles sont très importantes, soit parce qu'au niveau émotionnel, ça vous touche beaucoup, là c'est encore plus dangereux. Oui, c'est super. Je me rappelle une fois avoir fait un trajet Namur-Bruxelles, il y avait des travaux à voir où tu devais carrément changer et partir sur l'autre bande. Et j'ai raccroché au Carrefour Lenard, je ne me souvenais plus de passer dans les travaux. Comme quoi, même en téléphonant avec un main libre. Donc il faut vraiment, vraiment faire gaffe. Maintenant, je ne le fais plus, ou en tout cas beaucoup moins souvent. Il faut que quelques secondes d'inattention, vraiment. Oui, il suffit. Mais il y a des petites applications qui sont là. Exactement, et ça, c'est ce que Françoise Walravens a pointé pour vous et que vous allez découvrir ce soir en télé, des applications qui nous aident en fait à bloquer les applications de messagerie quand on est au volant. Donc, ils vont bloquer les SMS, les mails, qui vont bloquer aussi vos applications WhatsApp, Viber, tout ce que vous utilisez, Facebook, Messenger, ça va les bloquer. Ce qui fait que vous serez évidemment beaucoup moins tenté de répondre à vos messages. Vous n'aurez même plus accès du tout à ces messages au volant. Elle en a pointé quelques-unes et on va les découvrir justement ce soir. On va voir leurs avantages, leurs inconvénients. Mais comment ça fonctionne alors? Il faut quand même encoder le fait qu'on monte dans une voiture. Ça dépend un petit peu. Alors, t'en as qui des applications qui comprennent automatiquement que tu es au volant parce qu'elles se connectent au Bluetooth de ta voiture. D'accord. Ou bien parce qu'elles détectent que tu es en route. Et tu en as d'autres que tu dois activer. Ça dépend un peu d'une application à l'autre, mais globalement, voilà. L'autre avantage de ces applications, c'est qu'elles, en général, elles envoient un message à ceux qui essayent de te joindre pour te dire, justement, pour leur dire, ben non, voilà, Sébastien est au volant. Il vous rappellera quand il aura fini de conduire. Et franchement, c'est pas mal. L'IBSR, ils en pensent quoi, là? Ils sont vachement pour. Ils trouvent que c'est l'avenir pour changer les comportements. Et d'ailleurs, ils aimeraient bien que ces applications de blocage s'adressent à tous les conducteurs, y compris les conducteurs de bus, de camions, de tram, de train, etc. Les conducteurs de bus. Ça, quand vous voyez un conducteur de bus avec un téléphone, c'est quand même un petit peu violent. Déjà, et on en voit souvent. Et très, très souvent. On rappelle peut-être rapidement le nom de ces applications, parce qu'on n'en a pas cité une. Donc, allons-y. Alors, il y a Mode Conduite, il y a Argenta Sécurité Routière et puis il y a KIAO. En fait, c'est l'abréviation de Keep Your Hands on the Wheel, donc gardez vos mains sur le volant.

Vivacité présente les Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel. Rendez-vous samedi après-midi, place Saint-Lambert à Liège pour applaudir Suarez, Alice on the Roof, accompagné par l'orchestre et les chœurs de l'Opéra Royal de Wallonie dans le cadre de l'opération Debout Citoyen. Le Showcase Joker Plus du Beau Vélo de Ravel, ce samedi 10 septembre à Liège. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. La grande foire au vin, c'est chez Deleuze. Cette semaine, pour une bouteille de vin italien Supremo Primitivo 2015 achetée, la deuxième est gratuite. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Vivacité Tour des sites organisation présente Lueur Sacrée, un spectacle son et lumière 3D qui met en scène l'abbaye de la Ramée au travers d'un fabuleux récit historique dans le cadre des Journées du Patrimoine. Rendez-vous ces 9 et 10 septembre à l'abbaye de la Ramée pour plonger dans la magie. Spectacle gratuit. Info tourdesites.be. Avec l'avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. Maman, elle est toujours coincée dans les bouchons. Alors, je lui prête mon vélo. Ben quoi, elle ira plus vite. Partagez, c'est inné. À l'avenir, nos journalistes partagent avec vous plus que de l'info. Ils donnent du sens à l'actualité. L'avenir. L'avenir est au contenu. Abonnez-vous maintenant et économisez jusqu'à 230€ sur l'avenir.net/rentrée. Il est midi 30. Les titres de l'info avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. L'info du jour, c'est la comparution de Salah Abdeslam devant le juge français chargé de l'enquête sur les attentats de Paris. Le suspect numéro 1, celui qui à tout le moins a servi de chauffeur aux kamikazes qui se sont fait exploser près du stade de foot, a quitté Fleury-Mérogis ce matin. Il est dans le palais de justice depuis 7h30. L'avocat français a demandé à ce que son avocat belge, Sven Marie, le rejoigne au palais de justice. Est-ce que c'est le signe que Salah Abdeslam a décidé de parler? Eh bien non, Patrick Michel, qui est pour nous à Paris, nous explique que Salah Abdeslam refuse toujours de parler, prétextant entre autres des conditions de détention inhumaine. Le jeune homme, je vous le rappelle, est surveillé 24h sur 24 depuis son transfert de la prison de Bruges. Dans le dossier Caterpillar, une petite avancée, le gouvernement wallon a fixé un rendez-vous avec la direction américaine de l'entreprise, rendez-vous fixé à mercredi prochain. L'idée, c'est d'essayer de convaincre les Américains que le site de Gosselies est viable en tout ou en partie, et en tout cas tenter de négocier la suite de cette affaire. Pas de vendange à Thuin cette année. La météo est délicieuse en cette fin d'été, je ne vous le fais pas dire, mais elle a été trop pourrie en juin et au début de l'été, le raisin n'a pas assez gonflé. Et nos hérissons, ils ont soif et faim parce qu'il fait trop chaud et trop sec en ce moment, et pour eux aussi, le printemps a été trop tardif. Ces petites bêtes piquantes ont beaucoup d'intérêt. Elles mangent les limaces par exemple. Alors ce serait mieux que cette espèce protégée ne disparaisse pas. On vous demande donc de leur mettre à boire et à manger dans des petites coupelles dans votre jardin, si vous en avez un. Précision de tout cela dans le journal de 13h. À tout à l'heure, 13h Manu. On n'est pas des pigeons. So the morning had to make a man dash. Hey now, Sting, c'était Chris Cab sur Vivacité. Et c'est quoi ton problème? Nous? Bah, on s'entend bien avec tout le monde au quartier. On accueille Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Votre épouse a gagné un concours organisé lors de la semaine de la moto, c'était en mars 2016. Oui, elle devait avoir semaine de la mobilité. Elle devait avoir une moto en prêt pendant 3 mois, pas mal ça. Mais le problème, c'est que la machine, vous ne l'avez toujours pas vue. Oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? La machine. On m'a simplement envoyé un petit mail m'expliquant que la moto qui m'était promise avait été volée. Ok. Que la personne qui avait eu la moto en prêt avait bien sûr fait une déclaration à police et qu'ils ne savaient pas honorer leurs engagements. Vous deviez la recevoir quand? Alors, normalement, je vais la recevoir début juillet. Ouais. Malheureusement, à ce moment-là, je n'étais pas présent, j'étais en vacances. Donc, ils étaient bien gentils déjà. C'est que c'était nominatif. Ils ont bien voulu que je prenne la moto. Mmh. Ils ont bien voulu que je reporte au mois d'août. Mmh. Mais malheureusement, au mois d'août, la moto avait été volée. Elle a été volée. Plus droit au gain. Bon, Annie s'est un petit peu penchée sur ce dossier, sur ce concours. Voilà. Alors, c'est une organisation par la FEBIAC. Hein. FEBIAC, vous savez ce que c'est. Hein. La Fédération des entreprises automobiles belges. Voilà, merveilleux. Ouais. Alors, la moto qui était promise, c'est une BMW F700GS. C'est une belle moto. Et donc, ici, ce qu'on dit, c'est que on invoque la force majeure pour ne pas livrer la moto. Et dans les mails qui sont échangés, clairement indiqués, l'importateur n'a pas d'autres modèles à disposition. Alors, nous, on s'est posé la question. D'abord, on gagne un concours et on ne peut pas avoir ce qu'on a gagné, ça fait jamais plaisir. Et puis on se demandait si, quand même, BMW, il n'y a pas qu'une moto, quoi. Donc on se demandait, est-ce que c'est quand même pas possible de pouvoir avoir mettre à disposition pendant 3 mois? C'est quand même pas un an, c'est 3 mois, d'accord, c'est plus qu'une semaine, mais bon, soit une moto dans le genre de cette fameuse BMW F700GS que je ne sais absolument pas ce que c'est, à part que ça a l'air d'être une grosse moto. On téléphone du côté de la FEBIAC. On a le porte-parole de la FEBIAC, Jos Kazmans, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas moyen de trouver une moto pour Pierre alors qu'il a gagné à ce concours? Ah, c'est très malheureux, effectivement. Hein. Disons qu'on avait 16 gagnants, 16 personnes qui auraient dû avoir une moto pendant 3 mois. 15 l'ont eu, mais on a eu une moto qui a été volée malheureusement et donc une personne qui n'a pas pu profiter de cette période de cette moto-là, de sa moto. 3 mois, c'est très difficile d'arranger ça. Il faut savoir que ce sont souvent des motos qui sortent du parc presse des importateurs, qui sont réservés en premier lieu pour les journalistes, etc., et que exceptionnellement on a su réserver pendant 3 mois. Donc promettre une période de 3 mois à monsieur en ce moment, c'est très difficile. Mais est-ce que, Joost, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même de faire... Est-ce que vous n'avez pas un poids suffisamment important à la FEBIAC pour faire un petit peu pression sur BMW pour qu'on sorte une bécane du parc des journalistes, par exemple? C'est une bête question, hein? Parce que ça paraît tellement énorme de se dire qu'on ne pourrait quand même pas prêter une moto. Tout d'abord, pour être clair, on a toute la collaboration de BMW, mais il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ils sont un peu malheureux que leur belle machine a été volée, ça c'est clair, mais donc eux aussi ils ont cherché, ils ont essayé d'avoir une moto pour une période aussi longue, mais ça ne s'avère pas possible en ce moment. Ceci dit, je pense bien que éventuellement on pourrait arranger une période plus courte pour trouver une moto. Et ce qui est clair, c'est que le jour où on refait une telle action, et on l'a déjà fait 2 ou 3 fois les années précédentes, mais le jour où on refait une telle action, eh bien, on réservera clairement une moto pour le gagnant ou la gagnante dans ce cas-ci, qui n'a pas su profiter de son prix. Et là, ici, en l'occurrence, il y a 15 motos qui viennent de partir, mais quand elles rentreront après les 3 mois, Pierre ne peut pas en prendre une et en profiter lui aussi, finalement, pour les 3 mois qu'il a gagnés. C'est déjà clairement exceptionnel de pouvoir disposer, nous en tant qu'organisateurs du concours, de ces motos pendant 3 mois. Donc prolonger, c'est pas évident que ça. Ces motos sont réservées pour de nouveaux essais, souvent, comme je viens de dire, pour la presse spécialisée. Donc dire, eh bien, la moto, on va pas la garder 3 mois, mais 6 mois. Non, c'est pas évident, et c'est aussi évident que ça. Croyez-moi, on a vraiment fait... vous avez tout tenté quoi, avec une solution, mais qui n'est pas là en ce moment, malheureusement. Donc ça veut dire, si on vous comprend bien, qu'il faut attendre l'organisation éventuelle d'un nouveau concours dans le cadre d'une semaine particulière en 2017 alors? Effectivement, je pense qu'on parle clairement d'un cas de force majeure. C'est très malheureux que cette moto a été volée.

partir du jour au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. On a beau tout avoir, l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au point de départ. Incontestablement le chanteur préféré de Maya. Vous lisez dans mes pensées. Ouais, ça se voit, vous êtes dandiné comme ça sur ce morceau de Garou. C'était en 2000 avec Seul. Sur la page Facebook, on posait une question. On est parti de l'iPhone 7 qui, toute option confondue, coûte 1129 euros. Sortie présentation officielle hier soir. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que vous feriez, vous, avec cet argent-là? Bah, y a plein d'idées. Hein. Sur la page Facebook, Mine nous répond, j'aurais une nouvelle machine à laver, plus un séchoir, plus un frigo, plus un congélateur. Bon, je ne pourrais pas vous répondre avec, mais je consommerais certainement moins qu'avec mes vieilles machines. Wendy nous dit qu'elle ferait des travaux dans sa maison. Investir autant d'argent dans un appareil qui sera obsolète d'ici 2 ans, s'il tient jusque-là, je ne le conçois pas. Surtout qu'il existe beaucoup de modèles moins chers et tout aussi efficaces. Isa, 1129 euros, c'est 29 euros en plus de ce que je gagnais comme aide ménagère en 3/4 temps. Et maintenant, c'est ce que mon mari gagne chaque mois. Ça David, remet un peu les choses en place. Exactement. Ça calme. David, avec ça, je les garde en poche et je garde mon iPhone 5 qui fonctionne toujours aussi bien après 3 ans. Et oui, un iPhone dure plus d'un an si on n'est pas un mouton. Mm-hmm. Voilà, donc oui, il y a après, plusieurs personnes... Après, il y a des problèmes de batterie. Et c'est là que tu te dis, Apple a réinventé le téléphone avec fil parce que t'es connecté à une prise de courant. Mais ils annoncent une autonomie un peu plus longue sur celui-ci. Oui, 2 heures en plus. Faut sortir le pognon. Quoi. Et puis, problème de mémoire aussi, hein, parce que c'est ça aussi. Les applications sont toujours de plus en plus lourdes et finalement, on n'a plus d'espace de stockage. Là, ils l'annoncent d'ailleurs, mais comme chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc, mais ça coûte vraiment, vraiment, vraiment cher. Et il y a moyen de faire encore plein de choses. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Par exemple, Wilder, à ce prix-là, je préfère acheter de belles jantes en chrome. Donc on voit que... Les priorités sont ailleurs. Sinon, de manière générale, vous parlez quand même beaucoup de vacances. Hein. Carole, elle partirait 15 jours en République dominicaine. Oui, juste. Tout bêtement, Patrick, avec cette somme, je finirais au moins mon mois une fois tranquillement. Qu'est-ce qu'on a encore? Céline, qu'est-ce qu'elle ferait avec 1129 euros? Elle s'achèterait un iPhone 7. Bah oui, voilà. Il y a quand même des adeptes. Il y en a qui sont adeptes et qui sont fans. Anne-Claire, elle va 2 à 3 fois aux États-Unis pour ce prix-là. Et puis Mélanie ferait les petites réparations dont sa voiture a besoin. Voilà, si vous avez envie de poursuivre le débat, et visiblement... C'est chaud boulette. Les idées, il y en a pas mal, c'est sur la page Facebook que ça se passe. Et oui, la fête continue chez AJD Caravane et Motorhome à Neupré. Vous êtes invité aux portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Vous pouvez découvrir les premiers modèles 2017 dans notre nouveau showroom. Vous profitez bien sûr de nos conditions spéciales 50e anniversaire. AJD vous propose aussi des derniers modèles 2016 à prix fou. En plus, nous vous proposons des promos anniversaires sur tous nos véhicules d'occasion. AJD Caravane et Motorhome, route du Condro à Neupré. Portes ouvertes du 3 au 11 septembre. Plus d'infos sur ajd.be. Bientôt temps de choisir ma nouvelle voiture. J'ai vraiment envie d'autre chose. Profite.

pas des pigeons. Le coup de gueule du jour, c'est un peu dans le même style que celui d'hier. Hier, c'est moi qui en ai pris plein la tronche sur mon nouveau look. Nicole n'aimait pas vos lunettes, ça allait encore, mais pas le reste. C'est Carole qui n'est pas contente aujourd'hui. Et Annie, c'est pour toi. Oui, je regarde votre émission de ce mercredi 7 septembre et le t-shirt que vous portez, Madame Annie Allard, n'est pas du tout adapté à votre âge. Attention, parce qu'elle a mené l'enquête. Hein, Carole, vous avez... Alors, je ne vais pas le dire à l'antenne. Hein. Vous avez... X années quand même. Ma petite fille de 16 ans met ce genre de t-shirt. Il faut s'habiller correctement en fonction de son âge, madame. Pour ceux qui n'ont pas vu le t-shirt, c'est vrai qu'il était beau, il était perturbant. C'est un t-shirt d'une nana avec... Très jeune. Avec donc imprimé sur le t-shirt un corps de jeune femme. En trompe-l'œil. Oui. Avec une petite veste qui recouvrait juste la poitrine. Oui. Et entr'ouvrait la veste. Et du coup, Annie, on aurait dit vous aviez trois mains. De loin, c'était très perturbant, Annie, mais ça vous va bien. Alors, écoutez, Carole, je ne trouve pas, hein, parce que vous avez, trouvé où mon âge, enfin bref. Alors, c'était pour tester les réactions, le but est atteint, c'est réussi, les pour les contre. Alors vous, Carole, ben, manifestement, vous trouvez ça super moche et absolument pas adapté à mon vieil âge. Par contre, le papa de je ne sais plus qui, ou Annie, vous l'avez acheté. Il y a des avis masculins aussi. Il y a des avis masculins qui sont un peu favorables. Et jusqu'à présent, les réactions des gens qui ne nous aiment pas, c'est que des filles. Hein. Alors les mecs, manifestez-vous. Alors, comme quoi, Carole, tous les goûts sont dans la nature. Alors, Carole, je vais vous dire aussi, vous habitez Tournai, moi, Charleroi. Je m'habille aussi, figurez-vous, chez Damar. Et là, je vais y aller avant la fin du mois pour gagner mon petit cadeau. Et puis, je porte aussi des t-shirts jaunes comme je portais en début de semaine. Avec du ballon, parce qu'à Charleroi, eh ben, tout va bien quand même. Voilà, ça c'est sur la page Facebook que vous pouvez réagir. L'équipe vous donne rendez-vous ce soir à la télé. J'espère qu'Annie n'aura pas de t-shirt ce soir. Elle n'aura pas de t-shirt. Sylvie Honoré prend le relais dans La Vie du Bon Côté. On parle. Vous me faites rire. Pourquoi on vous Parce que vous me faites rire. Ce que j'étais en train de me dire, il y a deux personnes au monde qui n'oublieront jamais votre anniversaire. Votre maman et Damar. Vous voyez ce que je dis, ça c'est bien vrai. Parce que chaque fois vous avez un courrier vous disant c'est votre anniversaire, donc, vous avez Sylvie Honoré une réduction. Aussi, non mais c'est Damar, est-ce qu'il faut encore Annie les pyjamas en pilou? Ah ça c'est le pilou. Ah ils font de tout, vous savez, c'est en pilou. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez, Sylvie. Je crois pas que ça nous ira très bien. Ça dépend les heures, hein, Annie, un temps pour tout. Bon, nous allons parler de quoi aujourd'hui? Nous allons parler des secrets de la loi de création. Ça fait un peu biblique, hein, dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Alors hier, nous avions une invitée québécoise. Aujourd'hui, nous avons un invité suisse. Demain, nous aurons un invité français, le professeur Joyeux. Ça va, Jean-Marie Muller? Oui, ça va bien, merci. C'est vous qui êtes suisse, hein? Oui, c'est moi. Mais ça va, on accepte tout le monde. Je m'appelle Jean-Marie Joyeux. Vous voulez que je vous appelle Jean-Marie Joyeux? Oui, pourquoi pas pour aujourd'hui. Bon, Jean-Marie Muller, notre invité, il va vous prouver, Jean-Marie, que nous créons à chaque seconde tout ce qui existe dans l'univers. Ah, moi, ça me parle. Bon, venez avec lui prendre soin de la conversation d'aujourd'hui. Interagissez avec nous, juste après le journal de 13h. Vous savez, vous connaissez le numéro, hein, 070-23-33-23, SMS 30-63. Ce sera tout à l'heure, juste après le journal, donc, et juste après le point météo que voici de Denis. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bonne journée à tous, beaucoup de soleil encore pour aujourd'hui, peut-être quelques petits nuages d'altitude dans le courant de l'après-midi. Cela n'empêchera pas les températures de grimper jusqu'à 25 degrés en Ardennes ainsi qu'au littoral, 28 sur le centre et même 29 localement sur la Campine et sur l'extrême sud du pays. Après une nuit calme demain, le soleil se montrera encore généreux, on aura un petit vent de sud-ouest, il fera un peu moins chaud qu'aujourd'hui mais toujours des températures bien agréables de 21 à localement 24 degrés. Le week-end s'annonce légèrement plus nuageux, mais les températures repartiront à la hausse dès samedi. Vous écoutez Vivacité, il est 13h. Et voici les titres du journal de 13h. Salah Abdeslam refuse toujours de parler devant les juges et il n'a pas à se justifier, c'est son avocat français qui le dit. Il était présent ce matin aux côtés de son client devant le juge antiterroriste à Paris. Petite éclaircie dans le ciel de Caterpillar, en tout cas la négociation a peut-être un petit peu plus d'avenir aujourd'hui qu'hier. La direction américaine a accepté de rencontrer le gouvernement wallon, ce sera mercredi prochain. Les responsables politiques feront